Le spectacle d'ensemble de la troupe de musique Morambon, de la chorale d'État émérite et de la troupe artistique Wang Jisan soulève un grand de la chorale d'État émérite et de la troupe artistique Wang Jisan soulève un grand impact chez les habitants de la province du Gangwon. Les cadres, vétérans de guerre, travailleurs, jeunes étudiants de la province ont affirmé que le spectacle était la merveille des merveilles pour avoir interprété leur sentiment de vénération infinie envers le dirigeant suprême Kim Jong-un, la réalité du pays socialiste débordant partout de bonheur infini, leur détermination de s'acquitter de la responsabilité et de la mission pour faire honneur à la patrie, tout en le qualifiant de manuel du travail et de la vie.